إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous reprenons la lecture de l'épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, concernant l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous nous sommes arrêtés dans le cours d'hier au passage dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous expliquait que la base du bien qui doit être ordonné est le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base du mal qui doit être interdit, la chose la plus grave qui doit être interdite, c'est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et le shaykh rahimahullah ta'ala nous a expliqué que ceci fut l'appel de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam qui sont tous venus pour appeler au tawhid, qui est le plus grand bien auquel nous nous devons d'appeler, et interdire le shirk, qui est le mal le plus grave que nous devons interdire. Ensuite, il a dit rahimahullah, wa lamma farata banu israil fi dhalik wa adha'u qala Allah jalla wa ala fi haqqihim لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Et étant donné que les enfants d'Israël ont négligé cela et qu'ils ont délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: sont de nos sens rapprochés ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, ont été maudits par la bouche de Daoud et de Issa, fils de Mariam. Et cela, car ils désobéissaient et transgressaient. Ceci est donc la traduction des sens rapprochés du verset 78 de Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils ont été maudits, que Daoud alayhi salam et que Issa alayhi salam les ont tous deux maudits. Pourquoi ? Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Et cela car ils désobéissaient et transgressaient. Quelle était cette désobéissance et cette transgression? Il nous dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, comme le dit l'auteur, ثُمَّ فَصَّرَ هَذَا الْعِصْيَانِ. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué quelle était cette désobéissance. فَقَالَ سُبْحَانَهُ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا بئس ما كانوا يفعلون. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient, comme est certes mauvais ce qu'ils faisaient. C'est cela la désobéissance et la transgression qu'ils faisaient et qui a été la cause de leur malédiction. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: فَجَعَلَ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ عِصْيَانِهِمْ وَاَعْتِدَائِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cela ou leur plus grave désobéissance et leur plus grave transgression. Le fait qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils commettaient. Ils se voyaient mutuellement faire des péchés, mais ils ne se les interdisaient pas. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وَجَعَلَهُ التَّفْسِيرِ لِهَذِهِ الْآيَةِ. Ceci est l'explication de ce verset, la bi'sama kanu yaf'alun. Comme est certes mauvais ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. Ceci fut donc la cause de leur malédiction. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: wa ma dhalika illa li'idhamil khatari fi. Et ceci n'est que la conséquence du grand danger du délaissement de cette obligation. Quelle est cette obligation? Le commandement du bien et l'interdiction du mal. délaisser cela est une cause de malédiction. Allah subhanahu wa ta'ala avait donc prescrit aux enfants d'Israël le commandement du bien et l'interdiction du mal. Mais ils ont négligé cela et l'ont délaissé. Allah subhanahu wa ta'ala les a alors maudits. Et qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on dit que quelqu'un est maudit? Lorsque l'on dit que quelqu'un est maudit, cela signifie qu'il est exclu et écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc exclus et éloignés de sa miséricorde en raison de leur délaissement du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Voyez à travers cela l'importance de cette prescription religieuse. Et pourquoi on s'attarde sur celle-ci durant ces assises? Et pourquoi on prend le temps de lire ce qui est lié à ses mérites et ce qui est lié au danger de son délaissement? Car délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal est un grave péché. Car celui qui le délaisse est maudit. Wal'iyadu billah. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a mentionné ici dans l'explication un hadith dans lequel on rapporte que les premiers manquements qui sont apparus chez les enfants d'Israël, c'est qu'un homme parmi eux en rencontrait un autre et il lui disait « Ô toi, crains Allah et délaisse ce que tu fais », c'est-à-dire qu'il le voyait faire un péché. Il le réprimandait. Il lui disait « Crains Allah et délaisse cela, délaisse ce péché, car ceci ne t'est pas permis ». Puis ensuite, il le rencontrait à nouveau le lendemain. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ceci ne l'empêchait pas de s'asseoir avec lui pour manger ou pour boire ou pour se réunir dans son assemblée. C'est-à-dire que il lui interdisait le mal une première fois, le second ne le délaissait pas et ceci ne l'empêchait pas de le fréquenter. Il continuait de s'asseoir avec lui pour boire, pour manger, de se réunir avec lui dans certaines assemblées et ainsi de suite, malgré qu'il savait pertinemment qu'il commettait certains péchés. Et c'est alors à partir de ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé de l'animosité dans les cœurs des uns envers les autres. Ils ont été maudits pour cela. Ceci nous indique donc qu'il n'est pas permis de faire preuve de complaisance en ce qui concerne les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de se taire. Même si c'est une personne que tu aimes qui commet un péché, tu dois lui interdire. Au contraire, si tu l'aimes, cet amour doit te pousser à lui interdire de commettre ce péché. À rappeler cette personne à l'ordre, à l'appeler au bien et aux bonnes actions, et à délaisser les péchés et les mauvaises actions. C'est cela l'amour véridique, l'amour sincère. C'est celui qui nous pousse à nous entraider dans le bien et la piété, et non pas à nous entraider dans les péchés et la transgression, Allah al-Musta'an. Donc même si une personne n'accepte pas le rappel dans un premier temps, tu ne dois pas dire « c'est bon, je l'ai conseillé, je lui ai transmis le message, c'est terminé ». Beaucoup de personnes ont tendance à faire cela. « C'est bon, je l'ai dit une fois. » Païb, tu l'as dit une fois. Mais persiste. À partir du moment où il continue de les appeler au bien et de les appeler au délaissement du mal. Et s'ils ne veulent pas t'écouter, alors délaisse-les. Éloigne-toi d'eux. Ne participe pas à leurs assises et à leurs assemblées dans lesquelles ils commettent ces péchés. Tu ne peux pas prétendre interdire le mal, ordonner le bien, alors que le bien est délaissé devant toi, et le mal est commis devant toi, et tu ne dis rien. Donc ça, mes frères, c'est une chose très importante à comprendre. Car beaucoup d'entre nous ont des manquements à ce sujet. Beaucoup d'entre nous ont tendance à faire preuve de complaisance. Sous prétexte que c'est un membre de ma famille, sous prétexte que c'est un ami, ou autre chose semblable. Celui qui ne supporte pas le bon conseil. Celui qui ne supporte pas d'être appelé à l'ordre. Celui qui ne supporte pas d'être appelé au bien. Et celui qui ne supporte pas qu'on lui interdise le mal, ce n'est pas une personne digne d'être fréquentée. Et ça, il faut le dire clairement. Qui qu'il soit, celui qui ne supporte pas qu'on lui fasse le rappel, il ne mérite pas d'être fréquenté. Si cela le dérange, quand tu l'appelles à être assidu à la prière, tu l'appelles à délaisser certains péchés, et ainsi de suite. S'il est dérangé par cela, ou que cela est une cause de conflit, alors ne fréquente pas cette personne. D'autant plus si tu n'as aucun lien avec celle-ci. Éloigne-toi de lui et cherche des compagnons vertueux avec lesquels tu vas t'entraider dans le bien et la piété. Donc la cause de leur malédiction, comme on a dit, c'est le fait qu'ils ont délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal. Et ceci nous démontre donc l'importance de cette prescription religieuse une fois de plus, et le danger de son délaissement. Car celui qui délaisse cette prescription religieuse, qui délaisse le commandement du bien et l'interdiction du mal, alors ce dernier encourt la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela seulement pour qu'on sache ce qui s'est passé dans les communautés précédentes, non. C'est un avertissement. C'est-à-dire que ceux qui les suivront sur cela et qui délaisseront le commandement du bien et l'interdiction du mal, ils seront eux aussi à leur tour maudits. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, après nous avoir démontré que le délaissement de cette prescription est une cause de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shaykh, rahimahullah, nous mentionne un autre verset toujours concernant les gens du livre, nous montrant le mérite du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Et il dit: Wa athna Allahu jalla wa ala ala ummatin fi dhalika minhum. Et Allah a fait les éloges d'un groupe parmi eux en raison de cela, c'est-à-dire en raison du fait qu'ils ordonnaient le bien et interdisaient le mal. Faqala subhana fi surati Ali Imran. Il a dit subhana dans la surate Ali Imran, c'est-à-dire au verset 113 à 115. Min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah ana al-layl wa hum yasjudun. Il y a parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ils croient en Allah et au jour dernier. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Wa yusari'una fil khayrat. Ils s'empressent dans les bonnes actions. Wa ulaika min as-salihin. Ceux-là font partie des vertueux. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Et quoi qu'ils fassent comme bien, ils n'en seront pas privés, ils ne seront pas privés de la récompense de ce bien. Et Allah sait parfaitement qui sont ceux qui sont pieux. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: هَذِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُصِبْهَا مَا أَصَابَ الَّذِينَ ضَيَّعُوهُ فَأَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceci est un groupe parmi les gens du livre qui n'ont pas été touchés par ce qui a touché ceux qui ont délaissé, négligé le commandement du bien et l'interdiction du mal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges. Donc on a vu dans les versets précédents qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ceux qui ont délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal, et en parallèle de cela, il a fait les éloges de ceux parmi eux qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal. Et ceci nous montre une fois de plus que cette prescription religieuse est d'une importance immense. Car celui qui le délaisse, il encourt la malédiction. Et celui qui met en pratique cela, alors, il est digne de recevoir les éloges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayatin ukhra min kitabillahi azza wa jal, fi surati at-tawbah, qaddama subhana al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar 'ala iqami as-salah wa ita'i az-zakah. وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا لِعِظَمِ شَأْنِهِ. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit que dans un autre verset du livre d'Allah, azza wa jal, dans surat al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en premier le commandement du bien et l'interdiction du mal avant l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Et il nous dit: « Et ceci n'a lieu qu'en raison de son importance, de son rang éminent. » On a vu dans un cours précédent que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné avant la foi. Et là, on va voir un verset dans lequel il l'a mentionné avant la prière et la zakat. Et le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit: Wal amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar fardu kifaya wa ma'a dhalika qaddamahu fi hadhihi al aya 'ala iqami as-salah wa ita'i az-zakah. Il nous dit pourtant: le commandement du bien et l'interdiction du mal, c'est une obligation communautaire. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ce verset avant l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Alors que l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat sont des obligations individuelles. Donc jusqu'à présent, on a vu l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal. On a vu le danger de son délaissement. On a vu que ceci était une obligation qu'il ne convient pas de délaisser ni de négliger. On a vu que la délaisser fait encourir à la personne la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste à savoir quel est le jugement du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit ici que c'est une obligation communautaire. Qu'est-ce que cela signifie? Les obligations en islam, elles sont de deux sortes. Il y a des obligations qui sont des obligations individuelles et d'autres qui sont des obligations communautaires. Les obligations individuelles, c'est celles qui sont adressées à tous. À l'exemple des cinq prières quotidiennes. Tout le monde est concerné par leur accomplissement. Cela ne concerne pas seulement une partie de la communauté. Mais chacun d'entre nous doit accomplir les cinq prières quotidiennes. Également, le versement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et ainsi de suite. Et il y a d'autres obligations qui, elles, sont des obligations, certes, mais qui sont communautaires. Cela signifie que si un nombre suffisant de musulmans accomplit cette obligation, alors ceux qui ne l'ont pas accompli n'ont pas de péché. Et cela reste pour eux une chose recommandée. Mais si personne ne l'accomplit, alors l'ensemble des musulmans seront dans le péché. À l'exemple de l'appel à la prière. Est-ce que lorsque nous sommes à la mosquée, chacun des fidèles doit faire l'appel à la prière, non? L'appel à la prière est une obligation. Mais un seul l'accomplit, cela est suffisant. Et à partir du moment où un fait l'appel à la prière, les autres ne sont plus concernés par cette obligation. Mais si personne ne fait l'appel à la prière, alors tout le monde sera dans le péché. Et il en est de même concernant le commandement du bien et l'interdiction du mal. C'est une obligation communautaire. Quelle est la preuve que c'est une obligation communautaire? La preuve est le verset 104 de sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » Qu'il y ait parmi vous, un groupe, une umma, qui appelle au bien et ordonne le convenable et interdise le blâmable. Qu'il y ait parmi vous un groupe. C'est-à-dire que l'ordre, il n'est pas adressé à tous, de manière individuelle. Donc si par exemple, il y a dans un endroit une personne en train de faire un péché, et qu'il y a une dizaine de personnes autour de lui, c'est une obligation communautaire pour ces 10 personnes de lui interdire. Si un se lève, lui fait le rappel, lui interdit, et qu'il cesse son péché, alors cela est suffisant. Mais si personne ne lui interdit et personne ne lui fait le rappel, alors les 10 seront dans le péché. C'est cela le sens lorsque l'on dit que ceci est une obligation communautaire. Et j'espère que cela est bien compris, incha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, le shaykh, rahimahullah ta'ala, ici, il va attirer notre attention sur un autre point. Il nous dit, malgré que ce ne soit qu'une obligation communautaire, ce n'est pas une obligation individuelle. Cela a été mentionné tout de même avant l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, qui eux sont des obligations individuelles. Et le verset en question, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous le cite. Il dit, faqala subhana, c'est le verset 71 de surat at-tawbah. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière. Ils acquittent la zakat. Ils obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde. Allah est certes puissant et sage. Le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit ici, فَقَدَّمَ هُنَا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَةِ مع أن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين فلأي معنى قدم هذا الواجب. Il nous dit ici, il a mentionné en premier lieu le commandement du bien et l'interdiction du mal avant l'accomplissement de la prière, alors que la prière est le pilier, la colonne de l'islam. Et c'est le pilier le plus immense de cette religion après les deux attestations de foi. Donc pour quelle raison il a fait précéder cette obligation? Pour quelle raison il a fait précéder le commandement du bien et l'interdiction du mal? En raison de son importance. Il nous dit la shakka annahu quddima li'idami al-hajati ilay wa shiddati ad-darurati ila al-qiyam bihi. Il n'y a pas de doute qu'il n'a été précédé qu'en raison du grand besoin qu'il y a de cela et la nécessité que ceci soit accompli. ولأن بتحقيقه تصلح الأمة. En le concrétisant, en concrétisant cet ordre, la communauté sera dans le bien. ويكثر فيها الخير. Le bien sera abondant dans la communauté. وتظهر فيها الفضائل. Les bonnes choses, les actes méritoires seront apparents. وتختفي منها الرذائل. Et les choses viles, les choses basses, la débauche, les vices disparaîtront. ويتعاون أفرادها على الخير. Les membres de la communauté s'entraideront dans le bien. ويتناصحون. Ils se conseilleront mutuellement. ويجاهدون في سبيل الله. Ils lutteront sur le sentier d'Allah. ويأتون كل خير. Ils feront tout bien. ويذرون كل شر. Ils délaisseront tout mal. وبإضاعته والقضاء عليه تكون الكوارث العظيمة والشرور الكثيرة. Alors que par son délaissement, il se produira des catastrophes immenses et de nombreux maux. وتفترق الأمة. Et la communauté sera divisée. وتقص القلوب أو تموت. Et les cœurs s'endurciront ou ils mourront. Pourquoi? Car les péchés, ils font durcir les cœurs jusqu'à les faire mourir. Donc si on ne s'ordonne pas le bien et que on ne s'interdit pas le mal, nos cœurs risquent de mourir. Et la vraie vie pour le croyant, c'est la vie du cœur. Ce n'est pas la vie du corps. Il se peut qu'une personne ait un corps fort, puissant, en bonne santé, mais que cette personne n'ait aucun bien en elle. Pourquoi? Parce que son cœur est mort. Et inversement, il se peut qu'une personne soit faible, malade, en mauvaise santé, mais qu'elle soit vivante d'une vraie vie car son cœur est rempli de bien. Donc c'est cela la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie du cœur. Barakallahu fikum. Donc le shir ensuite, il répète que si on délaisse cette obligation, tadharu radha'il, les vices, les choses viles, les bassesses vont apparaître, wa tantashir, elles vont se propager, wa tartafil fada'il, wa yahdimul haqq, wa yadhhar sawtul batil. Les choses méritoires disparaîtront ainsi que la vérité et le son du faux sera apparent. Le son du faux sera apparent. Car les gens du faux pourront parler librement. Il n'y aura personne pour leur interdire. Si les gens délaissent l'interdiction du mal, les gens du faux vont alors parler librement. Et vous comprenez à travers cela pourquoi nombre de personnes parmi les gens de l'innovation et les gens de l'égarement ont une haine de la science, de la critique et de l'éloge. Et ils détestent les savants qui se chargent de cette noble tâche. Pourquoi ? Car les savants de la critique et l'éloge, à l'exemple à notre époque du grand savant l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, ou encore l'éminent cheikh l'allama Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants. Ces savants, ils mettent en garde contre les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, et les faussetés propagées parmi ceux qui se trompent ou appellent à autre que la vérité. Donc les gens de l'égarement, les gens du faux, lorsque ces savants mettent en garde contre eux et contre leur fausseté, cela les empêche de diffuser leur mal. Donc vous comprendrez pourquoi nombre de gens du faux ont tout fait pour éloigner la communauté des conseils, des orientations et des mises en garde de ces deux grands imams. Une fois qu'ils se sont assurés que leurs suiveurs n'accordaient plus aucune attention et plus aucune importance aux conseils de ces savants, ils ont alors propagé leur mal, propagé leurs innovations, propager leur fatwa appelant à l'égarement et à des fondements contraires aux fondements des gens de la sunna. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici il nous dit, si on délaisse cela, si on délaisse le commandement du bien, l'interdiction du mal et entre dans cela, la mise en garde contre les innovations, les égarements et les faussetés, alors le son du faux sera apparent. La voix des gens du faux, elle sera entendue, ils pourront parler librement. Et il nous dit, وَهَذَا أَمْرٌ وَاقِعْ فِي كُلِّ مَكَانٍ وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر. Et ceci est une chose réelle qui est présente dans tout lieu, dans tout état, dans tout pays, dans tout village dans lequel on n'ordonne pas le bien et on n'interdit pas le mal. فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد. Dans ces endroits-là, lorsque cette prescription religieuse est délaissée, la débauche, les vices sont propagés, les choses blâmables sont apparentes et la corruption prend le dessus. Il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces endroits deviennent, généralement, semblables au monde animal. Regardez ces pays où plus personne n'ordonne le bien et n'interdit le mal. Au contraire, on y ordonne le mal et on y interdit le bien. Les gens y vivent comme des animaux ou pire encore. Ils commettent des turpitudes que même les animaux ne commettent pas. Et ils sont pires que les animaux, pourquoi? Car les animaux, ils ne sont pas responsables. Et eux, ils sont responsables. Allah les a favorisés aux animaux en leur accordant la raison. Malgré cela, ils n'ont pas tiré profit de cette raison. Wallah al-musta'an. Donc dans ce verset de Surat al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Qu'est-ce que cela signifie que nous soyons alliés les uns des autres? Qu'est-ce qu'implique cette alliance? Cette alliance, elle implique que l'on s'aime les uns les autres. Que les croyants et les croyantes s'aiment les uns les autres. Que les croyants et les croyantes se soutiennent les uns les autres. Que les croyants et les croyantes s'entraident les uns les autres, et ainsi de suite. C'est cela le sens de cette alliance. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils s'aiment les uns les autres. Ils se soutiennent les uns les autres. Ils s'entraident les uns les autres. Et également, ils se conseillent les uns les autres. Ils s'ordonnent le bien et ils s'interdisent le mal. Ceci fait partie de cette alliance qu'il y a entre nous, en raison de la foi. Que l'on s'ordonne le bien et que l'on s'interdise le mal. Et ceci fait partie de la nasiha, qui est un droit que le musulman a sur toi en tant que croyant. Tu dois être loyal envers lui. Et fait partie de la loyauté que lorsque tu le vois commettre un péché, tu lui interdises. Et que lorsque tu le vois délaisser une obligation, tu lui ordonnes d'accomplir cette obligation et de ne pas la délaisser. Quant au fait de se taire sur les péchés de ton frère, de le voir commettre des péchés devant toi, de savoir qu'il délaisse certaines de ses obligations, et puis tu gardes le silence, tu ne lui dis rien. Alors ceci est contraire à la loyauté, c'est même une trahison. Ceci n'est pas un bon comportement, mais en faisant cela, tu as trahi ton frère. Et ceci ne fait pas partie des caractéristiques des croyants, qui s'ordonnent mutuellement le bien et s'interdisent mutuellement le mal. Et donc à la fin du verset, après nous avoir mentionné leurs caractéristiques, qu'ils s'ordonnent le bien, qu'ils s'interdisent le mal, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat, qu'ils obéissent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à cela, Allah fera miséricorde. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, وَبَيَّنَ سُبْحَانَ أَنَّ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ وَالْمُؤْتِينَ لِلزَّكَاةِ والمطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم أهل الرحمة. Allah subhanahu wa ta'ala a donc expliqué dans ce verset que ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, qui accomplissent la prière, qui acquittent la zakat, qui obéissent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sont dignes de la miséricorde. Il a donc dit, à cela, Allah fera miséricorde. Méditez sur le verset que l'on a mentionné au début de cette assise, au sujet de ceux parmi les enfants d'Israël qui ont négligé cette prescription religieuse et l'ont délaissée. Quelle a été la conséquence? Ils ont été maudits. La malédiction, qu'est-ce que c'est? L'éloignement et l'exclusion de la miséricorde d'Allah. Ils sont privés de la miséricorde d'Allah en raison de leur délaissement de cette prescription religieuse. Ils sont maudits. Tandis que ceux qui mettent en pratique cette prescription religieuse, qui ordonnent le bien et interdisent le mal, eux, ils sont dignes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah leur fera miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses bienfaits et de nous compter parmi ceux à qui il fera miséricorde. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera sur ce sujet des causes nous permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que le shaykh a quelque peu développé dans les lunes suivantes et on verra cela dans le cours de demain. إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا